Bonjour, monsieur. Vous êtes poursuivi pour 11 viols aggravés, dont 7 suivis de meurtres avec préméditation, c'est-à-dire assassinat. Vous encourez la peine de réclusion à perpétuité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'affiche, consacré aujourd'hui au film L'affaire SK1, sorti le 7 janvier 2015. Donc le film L'affaire SK1 est un film de type drame policier, réalisé par Frédéric Tellier. En acteurs principaux, on retrouve Raphaël Personnaz, que vous avez pu voir par exemple dans le film Au bonheur des ogres, Marius ou Une nouvelle amie. Vous retrouvez également Nathalie Baye, que vous avez pu voir dans les films Arrête-moi si tu peux ou Ne le dis à personne. Ou encore Olivier Gourmet, que vous avez pu voir principalement dans Mesrine, l'ennemi public numéro 1, Sur mes lèvres. Ou encore Adama Niane, ou Niane, je ne sais pas comment on prononce, que vous avez pu voir dans les séries Plus belle la vie ou la série policière PJ. Donc, petit speech du film pour commencer. Le film L'affaire SK1 est basé sur une histoire vraie, qui est l'affaire Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Donc Guy Georges, pour rappel, c'est le tueur en série et violeur actif durant les années 1990 qui allait violer des jeunes filles avant de les tuer. Il a sévi durant une dizaine d'années et a été condamné en 2001 à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Donc l'histoire, le film se base sur cette histoire vraie. On suit le personnage principal de ce film est Franck Magne, qui est joué par Raphaël Personnaz, qui est un jeune policier jeune inspecteur qui intègre la police judiciaire à la brigade criminelle au 36-15 des Orfèvres en 1991. À son arrivée, il va éplucher tous les dossiers en cours de la crime et va faire certains rapprochements entre ces dossiers que personne n'avait fait avant lui. Au cours de ces dossiers et de ces rapprochements, donc au fur et à mesure, il va être obsédé par ce tueur en série qui va chercher à traquer durant 8 ans. Les meurtres vont s'enchaîner, les pistes vont s'éloigner, se rapprocher, vont être assez brouillées. Franck, durant toutes ces enquêtes, va devenir le chef d'orchestre de la plus grosse enquête jamais connue au 36 quai des Orfèvres. En parallèle de de l'évolution de ces personnages, on va suivre les avocats en 2001 les avocats de Guy Georges qui en 2001 vont chercher à comprendre un peu ce qui a motivé ce tueur en série. Donc on va les suivre avant le procès et pendant le procès. On va suivre leurs discussions, leur vie pour essayer de voir comment faire évoluer, comment le défendre et comment faire évoluer le procès. Mes impressions avant de rentrer dans la salle, c'était que je connaissais très très peu l'histoire du meurtrier de l'Est parisien. En effet, j'étais à peine né quand l'histoire a commencé, ce qui fait que j'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait et m'y intéresser. Le casting avait l'air plutôt cool. Raphaël Personnaz est un bon acteur. Je l'avais déjà vu dans d'autres films où je l'avais bien aimé. Il tient bien son rôle, je trouve. C'est un très bon acteur, je le recommande. J'aime bien aussi l'ambiance qu'on retrouve dans les films policiers français. Je pense par exemple à Police. C'est certes pas les mêmes acteurs, mais j'aime bien cette ambiance de suivre la vie d'une brigade policière où on suit c'est une ambiance assez intéressante qui moi m'intrigue et qui m'a donné envie tout de suite d'aller voir ce film. En sortant de la salle, j'étais assez content, j'ai passé un bon moment, j'ai pas vu le temps passer. C'est un film qui est plutôt intéressant, qui traite plutôt bien le sujet. Je connaissais pas l'histoire, elle est très glauque, hein, je vous l'accorde, mais elle est aussi assez intéressante, assez passionnant et pas le bon mot, on va dire, mais plutôt, passionnant, mais pas dans le sens passionnant, meurtrier, quoi. C'est une bonne histoire, on s'ennuie pas, les acteurs sont plutôt bons. Que ce soit l'acteur qui joue Guy Georges, il tient plutôt bien son rôle, il prend assez à cœur. Même que ce soit Raphaël Personnaz, il joue plutôt bien. Le policier, qui aime bien son rôle aussi. L'histoire est plutôt bien ficelée. Après, il y a un truc qui m'a un peu perturbé, c'est l'histoire qui se déroule sur deux repères de temporels différents. C'est-à-dire qu'on suit l'histoire de Raphaël Personnaz durant, à partir de 1991, quand il rentre au 36 quai des Orfèvres, jusqu'au dénouement du procès en 2001. Mais dès le début du film, on suit également les avocats, bah, comme je l'ai dit au début, on suit également les avocats qui, un peu avant le procès en 2001, et c'est un peu intéressant ce que les deux histoires se complètent. Mais c'est perturbant aussi, il manque parfois de transition ou de repères temporels. C'est un point négatif à ce film-là, c'est que l'idée est bonne, mais elle est traitée de manière un peu fouillie, c'est un peu dommage. Après, pour les acteurs, ils sont plutôt bons dans l'ensemble. Et les acteurs qui jouent les membres de la brigade criminelle, donc c'est-à-dire Raphaël Personnaz et les autres, ils sont plutôt bons, il y a le bon esprit d'équipe. Dans la brigade transparaît plutôt bien, c'est plutôt bon signe. Que ce soit après les petits spoilers, attention, pour ceux qui les actrices qui jouent les victimes du criminel qu'on voit à l'écran jouent plutôt bien aussi, c'est plutôt bien fait. Bon, fin de spoiler. Maintenant, pour en ce qui concerne les acteurs qui jouent l'actrice et l'acteur qui joue les avocats du meurtrier. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que l'homme qui joue l'avocat du meurtrier, je trouve que ça fait un peu trop récité. C'est plutôt bien quand il joue l'avocat en train de défendre le meurtrier lors du procès, mais dans les scènes de vie de tous les jours, il a du mal à se détacher de son rôle, j'ai l'impression, et c'est un peu dommage. C'est un point un peu négatif où ça met un peu hors du film, mais c'est des... Pour vous rassurer, on le voit dans le film quand même, mais ça sort pas du film pour autant, c'est pas très grave, on arrive à passer au-delà. Donc c'est plutôt bon dans l'ensemble, l'histoire colle bien, les membres ont été plutôt bien choisis. Après, en ce qui concerne l'environnement, le film donc, se passe sur plusieurs repères temporels. Donc en 1991, on retrouve bien des éléments de l'époque, c'est rigolo, on retrouve bien des voitures, des vieilles Peugeot de l'époque, on retrouve bien les vieux PC de l'époque, les manières de s'habiller, les styles vestimentaires on les retrouve bien, c'est plutôt bien sympathique. La qualité de l'image aussi, alors elle est pas abîmée. Je sais pas si c'est moi qui ai eu cette impression là ou si c'est vrai, j'ai l'impression que la qualité de l'image est un peu altéré quand il joue l'époque de 1991. Je sais pas si c'est fait exprès ou je pense et je l'espère, autrement j'aurais dit une grosse bêtise. Quand c'est l'époque de 2001, donc lors du procès, c'est plutôt bien joué aussi. Il y a les vêtements, le style vestimentaire est toujours aussi bien trouvé. En ce qui concerne les locaux, les endroits où il joue, c'est plutôt bien fait aussi. Il y a des scènes sur les toits des toits parisiens. Waouh, quoi. Le paysage est juste magnifique. C'est super joli. Après, en ce qui concerne la salle de procès, c'est une salle de procès. J'y suis jamais allé, mais de ce que j'ai vu dans d'autres endroits, j'ai pas vu de repère qui m'a fait tiquer, quoi. Et dans ce qui concerne le commissariat du 36 quai des Orfèvres, c'est plutôt bien fait. Les locaux sont... Je me demande si c'est pas les vrais, parce que c'est plutôt bien fait aussi. Donc voilà, c'est un très bon film, allez le voir, c'est très sympathique, vous passerez un bon moment, c'est une histoire qui est assez connue, bon, c'est quand même intéressant de voir son adaptation à l'image, c'était plutôt bien. Voilà, donc c'est maintenant à la fin de l'épisode numéro 3 de À l'affiche. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez toujours pas à me le dire dans les commentaires de PodCloud ou sur Twitter ce que vous avez pensé de ma prestation là, de cet épisode-là. Dites-moi s'il y a des points négatifs, que ce soit sur le contenu ou sur la technique. Tant que c'est constructif et intéressant et utile et que je peux m'améliorer après avec ça, je suis preneur. C'est une bonne chose, n'hésitez pas à me le dire. Après, voilà, pour cet épisode-là, j'ai pas de morceaux pour conclure cet épisode parce que je savais pas quoi mettre comme morceau de musique qui allait coller avec l'ambiance de la bande-annonce que j'ai mis en intro, et mettre un morceau de bande-annonce à la fin, ça collait pas trop. Donc j'espère que vous allez pas m'en vouloir, ça va être une fin assez silencieuse, assez calme, sans musique pour finir en douceur, c'est quand même pas très grave. Donc je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Salut !